Il a connu l'école, le réveil matinal, les conseils de classe. Rien de magistral, au-dessus de son épaule, il voit les bêtes de médailles qu'il aura pas au thorax. Fait la larve chez lui, l'allure des missionnaires. Ses parents balisent, cherchent une raison d'être fier. Son daron s'écrit, il reste lâche le but et sa mère tempère. C'est un fonctionnaire. Il cherche un concours où il pourra gagner. Au trésor public, il pourra palper. Mais il faut bac plus 5 au niveau bac plus 2. Avec son bac moins 4, direction NPE. Bonjour monsieur, vous avez 18 ans, vous n'avez pas de diplôme mais vous voulez de l'argent. Une situation, comment vous dire, zut. Avez-vous mon enfant que la police recrute? Oh ouais. Répondit Bobby intéressé, qui n'a jamais manqué l'occasion de se faire agresser. Et là, il vend son âme à l'officier. Y'a plus rien de drôle, le cul est vissé. Police pour tous, quand tous pourrissent. Dans un avenir flou, les tuiles surgissent. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Police pour tous, quand tous fleurissent. À chaque carrefour qui t'habille l'esprit. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Bobby l'apprenti tire à balles réelles. Il a vu tous les films de Vin Diesel. Bobby au flashball, c'est un peu comme un requin qui protège ses puits de pétrole. Il pense à rien quand il dégomme. Mais si tu laisses ta chair, l'escadron rigole. À la brigade, il voit le haut de l'échelle. Il bat la chamade quand il dégaine. Pour monter en grade, il faut bien faire du sel. Il apprend par cœur les propos de Le Pen. Il maudit l'étranger, les pas les insultes. Mais il applaudit quand il marque les buts. Quand il arrête une femme, il la fait chanter. Quand il tombe sur un jeune, il change de couplet. C'est un délit de fesses et de face. Et si tu portes ta plainte, le préfet perd sa trace. Y'a comme un arrière-coup d'injustice. Bobby s'en branle, ça le renforce. De voir disparaître tous ses préjudices. Il recommencera demain et mettra toutes ses forces. Police pour tous, quand tous pourrissent. Dans un avenir flou, les tuiles surgissent. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Police pour tous, quand tous fleurissent. À chaque carrefour que ta vie l'esquisse. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Bobby l'ancien, toujours à la traîne. Vomit sa haine dans un trop plein de bière. Un petit goût amer t'invite à faire ta fête. Un petit tour à l'arrière de la foule connaître. Bobby nique sa mère, le dernier black qu'il a vu. On l'a retrouvé par terre après sa garde à vue. Présumé coupable d'avoir croisé sa route. Bobby casse ses gueules quand il prend la goutte. Toujours pendant le service, fils de la république, du piston et du vice. Il aime s'alimenter en marché au cul. Toujours assermenté quand il viole les putes. À force d'exhiber son arme, sa femme a rompu. C'est qu'il aime jouer avec le cran de ses culs. Un soir de chou, il a fait parler les douilles. En rangeant son gun, il a perdu ses couilles. On n'a pas les mêmes uniformes, pas la même passion. On n'a pas besoin de renfort. Thank you.